cocotiers, des filles, des bordels, des cinglés, de l'anglais, du frenchy et du yankee, mon amour à mort, love et danké. Dans chaque port il y a une fille, c'est moi, c'est elle, c'est à pleurer. Et dans mon cœur il y a du roulis, chaque fois qu'il se glisse dans mon lit. Mais sa maîtresse c'est elle, tout là-bas, tout là-bas. C'est la vague et le sel. Entre Java et Cuba, c'est la vague et le sel. Sa maîtresse, c'est elle. Dans chaque fille, il y a un cœur. Dans chaque cœur, il y a un marin. Au cœur du marin, il y a la houle qui roule, et dans mon cœur il n'y a plus rien. Car sa maîtresse c'est elle, tout là-bas, tout là-bas. C'est la vague et le sel. Entre Java et Cuba, c'est la vague et le sel. Sa maîtresse c'est elle. Des ports, des mecs, des cocotiers, des filles, des bordels, des cinglés, de l'anglais, du frenchy et du yankee, mon amour à mort, love et danké, et danké, et danké.